bien. Il y a une échelle. On n'a point d'autre solution que de passer sous l'échelle. Est-ce qu'on passe sous l'échelle? Et pourquoi je passerais pas dessus? Il n'est pas évident à dire ça, sous l'échelle de l'archiduchesse. Il y a une échelle et puis je passe à côté, je passe à côté. Mais s'il n'y a pas de chemin, je passe là. Ah, c'est certain. Je ne vois pas pourquoi je passerais pas au-dessus. Bah, je sais pas, moi, c'est la superstition, Jackie, c'est ça? Ben oui, j'y crois pas. Passe pas dessous, passe à côté. Hein? Vous n'êtes pas superstitieux. Voilà. Est-ce que vous avez un message pour le monde? Nous sommes en direct sur la planète, voire l'univers. Oui. Ah ben, paix à tous les hommes de bonne volonté. Ça, c'est bien dit. Hein. Ben. Vous comprenez? Je comprends. Parce qu'avec tout ce qu'on voit maintenant, on peut sauter que... Déjà la réunion. La réunion, ça veut dire ce que ça veut dire. La réunion de tous les peuples. Tout le monde est réuni ici. Et Georges et Jackie. Peace and love. Ben, peace and love, Jackie. Peace and love. C'est beau. Le tampon. Et demain, nous... oui. Voilà, peace and love au tampon. Merci, Georges. Et demain, quel côté où aller, Prisca? Et demain, et Georges, il continue. Oui, ben continue quoi, Jacqueline, la journal France Info, il arrive. Ben, ouais, oui, voilà, voilà. Mais continue quoi, Jacqueline. Boire un café avec Georges. Et ben. Georges, demain, on sera à Sainte-Marie et on parlera encore de superstition. Vous savez, il y a un marché à Sainte-Marie, le marché de Beau Séjour. C'est une nouvelle ville, hein, Beau Séjour, que je vous conseille de visiter avec Réunion Première. Jackie, demain? Eh bien, jusqu'à demain, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Prisca, en direct du tampon ce matin. Demain, marché forain de Beau Séjour. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Les experts sur Réunion Première, dans 15 minutes avec Isabelle Waraud. Bonjour Isabelle. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Et aujourd'hui, dans les experts, il sera question de la douloureuse, la taxe foncière. La taxe foncière, vous avez certainement déjà reçu cet avis d'imposition qui tient compte de la situation de chaque propriétaire au 1er janvier de l'année. Alors que ça, il fait payer ça sur terrain bâti, terrain non bâti. Est-ce qu'on peut contester sa taxe foncière? Dans quel cas peut-on être exonéré? À quoi sert cette taxe? Comment est-ce qu'elle est calculée? Vous posez toutes vos questions 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000, Jackie. Les experts avec Isabelle Waraud sur Réunion Première, donc dans 15 minutes pour participer et poser toutes vos questions dans cette émission, donc en ce qui concerne la taxe foncière. Nous, demain, à partir de 8h, il sera de Carrie Poisson sur Réunion Première. Belle matinée à toutes et à tous. Bon 10h. Appétit. Voici le journal sur la première. À 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Sexe et Cuba ont animé le deuxième débat Trump-Clinton cette nuit aux États-Unis. L'ambiance était délétère. Les deux candidats à la Maison-Blanche se sont rendus coup pour coup. Son pays, la Pologne, était au cœur de ses films. Le cinéaste Andrzej Wajda est mort à 90 ans. Une carrière récompensée par un Oscar et une Palme d'Or. En France, un policier toujours dans un état gravissime après une attaque au cocktail Molotov samedi à Viry-Châtillon. Et Nicolas Sarkozy qui rejoue la France d'en bas contre la France d'en haut pour espérer remporter la primaire à droite. France Info. On commence donc avec ce débat explosif, sulfureux même, entre Trump et Clinton. Le deuxième débat de la campagne présidentielle aux États-Unis. Hillary Clinton s'en était plutôt mieux sortie que son adversaire la première fois. Cette nuit, il est clair que Donald Trump s'était mieux préparé. Ils ont tous deux répondu aux questions d'un panel d'Américains pendant 1h30. Frédéric Carbone, vous avez suivi ce face-à-face qui s'est déroulé à Saint-Louis, dans le Missouri. Un débat d'autant plus attendu après la révélation ce week-end des propos obscènes tenus par Donald Trump sur les femmes. Avant le débat, des confrères américains se demandaient s'ils allaient devoir coucher leurs enfants plus tôt et les priver de télé. Et de fait, ce ne fut pas le ton habituel d'un débat présidentiel. Donald Trump est bien sûr interrogé sur ses propos sexistes et machistes. Il détourne la question en traitant Bill Clinton de prédateur sexuel, mais il n'échappe pas aux attaques d'Hillary Clinton. We have seen him insult women. Nous l'avons vu insulter des femmes. Nous l'avons vu juger des femmes selon leur apparence, les classer sur une échelle de 1 à 10. Nous l'avons vu s'en prendre à des femmes à la télé ou sur Twitter. Donc oui, c'est bien comme cela qu'est Donald Trump. Les deux candidats se rendent coup pour coup, l'une en gardant son calme et en n'oubliant jamais de s'adresser au public, l'autre le doigt pointé vers sa rivale, souvent debout derrière elle pendant qu'elle parle, et la menaçant de l'envoyer en prison sur ses affaires des emails. If I win, Si je gagne, je vais demander à mon ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour ouvrir votre dossier. Parce qu'il n'y a jamais eu tant de mensonges, on n'a jamais connu une telle situation. Donald Trump est moins à l'aise. Quand il est question de politique étrangère ou de ses impôts, il confond cessez-le-feu et traité de paix en Syrie. Mais il n'a pas donné l'impression, comme au premier débat, d'être parfois absent, quitte à tomber dans sa propre caricature. Saint-Louis. Frédéric Carbone, France Info. Et le troisième et dernier débat aura lieu le 19 octobre. Haïti a besoin, un besoin vital d'aide humanitaire. L'ouragan Matthew a tout détruit sur son passage. Le sud de l'île est dévasté. D'après les Nations Unies, il y a au moins 1 million de sinistrés qui manquent de nourriture et d'eau potable. Les secours redoutent une épidémie de choléra. Le bilan officiel est de 336 morts. Mais d'après l'agence de presse Reuters, qui a compilé des données fournies par de nombreux responsables locaux, il y en aurait 1 millier. Aux États-Unis, les autorités rapporte une vingtaine de décès et 2 millions de foyers sont privés d'électricité. La chasse à l'homme est terminée en Allemagne. La police annonce avoir arrêté le jeune Syrien soupçonné de vouloir commettre un attentat. Il a été interpellé cette nuit à Leipzig. Les enquêteurs avaient trouvé 500 grammes d'explosifs dans un logement qu'il occupait à Chemnitz. Il est 8h presque 4 sur France Info. Un policier toujours entre la vie et la mort. Son corps est brûlé à 30% et les médecins ont décidé de le plonger dans un coma artificiel. Il a été attaqué avec 3 de ses collègues par une quinzaine de jeunes encagoulés samedi après-midi à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Ils ont reçu des cocktails Molotov. Une gardienne de la paix est gravement brûlée au visage et aux mains. Les deux autres policiers souffrent de fractures et d'ecchymoses. Les agents surveillaient une caméra installée à un carrefour pour lutter contre les vols à la portière, très nombreux à cet endroit. Ce quartier fait partie des zones de sécurité prioritaires et les violences contre les policiers se sont accrues ces derniers mois. Des policiers auxquels le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, rend hommage ce matin. Ce que l'on peut noter, c'est surtout tout le professionnalisme de ces policiers qui n'ont pas sorti leurs armes, peut-être parce que justement leur volonté, c'est surtout de sécuriser le quartier, pas de tuer, comme ces assassins qui sont venus délibérément pour tenter de les tuer. Les policiers n'étaient pas là pour protéger la caméra, ils sont là pour protéger le quartier. C'est un quartier qui est compliqué. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que l'on sait que des trafics de drogue, de tous les stupéfiants possibles et imaginables ont lieu à la Grande Borne. Cela fait des années que peu de choses sont faites dans la réalité. Lorsque je suis arrivé il y a 2 ans et demi, j'avais pris des engagements vis-à-vis de la police municipale. Je les ai tenus. J'ai mis cette caméra en plein accord justement avec la police nationale et les policiers étaient là, eux, aussi pour surveiller les attaques sur cette caméra, mais ils sont là essentiellement pour protéger le quartier et les habitants. Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, invité ce matin de nos confrères de France Bleu 107.1 à Paris. Un sérieux coup de rabot sur les APL, les aides au logement. Les règles d'attribution ont été durcies. Le patrimoine du bénéficiaire, lorsqu'il est supérieur à 30 000 euros, est désormais pris en compte dans le calcul de ces aides. Le décret d'application de cette réforme entre en vigueur aujourd'hui. La France d'en bas contre la France d'en haut, le peuple contre les élites. Nicolas Sarkozy rejoue le film de 2012. Sa campagne ressemble de plus en plus à celle d'il y a 5 ans. Il a tenu un grand meeting hier soir au Zénith de Paris. Un meeting qui se voulait une démonstration de force. L'ancien chef de l'État est toujours devancé dans les sondages par Alain Juppé. Plus de 6000 personnes étaient venues l'écouter hier soir. Julien Langlais. Pour Nicolas Sarkozy, le temps presse. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser. C'est maintenant qu'il faut peser. C'est maintenant. L'alternance déterminée. Et déterminée, les militants et sympathisants de l'ancien chef de l'État le sont. Nicolas, président ! Déterminé et confiant, malgré les sondages qui donnent Alain Juppé gagnant. Les sondages, c'est faux. Les médias, ils le salissent. Ouais. Hein, et moi, je ne m'arrête pas au sondage. Nicolas va gagner. Alain Juppé est dans le viseur, notamment son appel à tous les électeurs. Alain Juppé compte sur les voix de gauche. Pour moi, rien qu'appeler les électeurs de gauche à voter pour cette primaire, c'est purement scandaleux. Des électeurs de gauche à la primaire, pas question, mais ceux du Front National, oui, ça n'a rien à voir pour Éric Ciotti. La différence, c'est que dans ceux qui se disent être proches du Front National, beaucoup ont voté lors des dernières élections, et notamment présidentielles, pour notre famille politique. Ils s'en sont éloignés. Ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'ils reviennent. Et si à l'arrivée, c'est tout de même Alain Juppé qui finit par l'emporter, il aura du mal à faire revenir à lui tous les supporters de Nicolas Sarkozy. Si Alain Juppé gagne, vous le soutiendrez quand même ? Non, parce que là, on est dans une belle merde, et si c'est Juppé, on y sera encore plus. Vive la République ! Vive la France ! Reportage de Julien Langlais et Nicolas Sarkozy à rendez-vous avec les 6 autres candidats de cette primaire jeudi soir pour leur premier débat télévisé. Allez, il est 8h07 sur France Info, la mort d'un maître du cinéma, le Polonais Andrzej Wajda. On l'a appris cette nuit dans son pays, il était un monument, une légende pour les cinéphiles, c'est une référence. À travers ses films, et il y en a une quarantaine, il n'a cessé de raconter l'histoire de la Pologne, l'histoire récente entre la guerre et le communisme. À Varsovie, Damien Simonard. Au départ, Andrzej Wajda voulait s'engager dans l'armée comme son père. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il échoue toutefois à intégrer une école militaire. Plus tard, c'est dans la célèbre école de cinéma à Łódź qu'il trouvera sa vocation. Ses premiers films racontent l'histoire des résistants polonais contre les nazis. Son film « Canal » sur l'insurrection de Varsovie lui vaut le prix spécial du jury au Festival de Cannes. De retour sur la croisette en 1981, il reçoit la Palme d'Or pour « L'homme de fer », une critique de la Pologne communiste dans laquelle il raconte la naissance du syndicat Solidarité. Opposé au régime communiste et au général Jaruzelski en Pologne, Wajda tourne de plus en plus de films à l'étranger, mais toujours au sujet de son pays natal. En 2000, Hollywood le couronne d'un Oscar pour l'ensemble de son œuvre. Plus tard, il réalisera encore 2 films qui laisseront une trace. Katyń, l'histoire des 22 500 officiers polonais, dont son père, qui ont été massacrés par les soviétiques en 1940, et L'homme du peuple, une biographie de Lech Walesa, sortie en 2013. À Varsovie, Damien Simonard pour France Info. Et une exception à sa filmographie consacrée à la Pologne, Wajda a également tourné en France le film Danton, avec Gérard Depardieu. Merci beaucoup Mathilde Munoz pour les infos 8h08, l'œil sur le ciel. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Il est 10h09 sur la première. Merci à vous d'être à l'écoute de la première. Côté météo, eh bien après la dissipation des petites grisailles de ce matin, le soleil s'impose largement sur l'ensemble du département sans aucune difficulté, nous dit Météo France. La matinée est donc agréable et lumineuse pour ce début de vacances scolaires. Avant la mi-journée, eh bien, il y aura bien quelques nuages qui vont se former à mi-pente et se développer avec une préférence pour les hauts de l'ouest. Sous ces nuages, quelques gouttes ou rares averses eh bien, seront possibles en journée partout ailleurs. Et même cet après-midi, eh bien, le soleil va demeurer bien présent dans les cirques sur les plus hauts sommets, ainsi que sur le littoral réunionnais. Les températures maxi vont atteindre 18 au volcan, 27 à Saint-Denis, 25 à 28 sur le littoral et 24 à Sillaos. Vous l'aurez compris, que ce soit pour des balades ou alors la plage avec les enfants, il n'y aura pas de souci. Attention quand même au vent, 50 km/h du côté de Sainte-Marie, 50 à 60 en rafale cet après-midi. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. À Mitterfist, hier, votre quintet se courait à Auteuil. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 14, le 10, le 9 et le 8. 4, 14, 10, 9, 8. Cet après-midi, rendez-vous sur l'hippodrome de Feur. Ce sera le prix de la ville de Feur. 18 partants, 3500 mètres à parcourir. 1 million d'euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur du GIR, partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 16, le 7, le 18, le 10, le 8, le 6, le 9 et le 4. 16, 7, 18, 10, 8, 6, 9 et 4. Votre quintet cet après-midi, 15h47, Hippodrome de Feur pour le prix de la ville de Feur. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Les experts ce lundi, on va parler de quoi ensemble ? Eh bien, on va parler de la taxe foncière. Je sais, vous n'avez pas très envie, c'est dur, un sujet délicat. Et pourtant, eh bien, il faut en parler, cette taxe qui arrive, qui est arrivée chez chaque propriétaire, comme tous les ans, et qui concerne les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis. Alors, est-ce qu'on peut contester cette taxe foncière ? Comment est-ce qu'elle est calculée ? Dans quel cas est-ce que l'on peut être exonéré ? Est-ce que si on a envie de contester, il faut payer d'abord et après rôde le bout après ? On en parle avec nos experts aujourd'hui, avec nous sur le plateau de la première. Eh bien, Raphaël Chan-Imchinjoie, bonjour. Oui, bonjour. Accompagné eh bien, de Stéphane Lelouarn, bonjour. Bonjour. Ça va bien, messieurs ? Bon, vous allez tout nous expliquer à nos auditeurs, nous aider un petit peu à mieux comprendre cette taxe foncière. Vous n'hésitez pas pour nous appeler, eh bien, un seul numéro de téléphone, le 99 2000, également par SMS pour toutes vos questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est maintenant que ça se passe sur la première, et par SMS, le 06 92 70 2000. 10h midi, les experts avec Isabelle Waro sur Réunion Première. Allez, mais avant de parler de la taxe foncière, ôtez un peu de musique, mettez-nous dans l'ambiance. Comme ça, nos invités sont bien détendus, prêts à répondre à toutes vos questions. 99 2000, la taxe foncière en long, en large et en travers. C'est sur la première. Prenez votre téléphone. Rendez-vous juste après. Seguel, cause 6 mois. Sur la première et son titre, cause 6 mois dans les experts. Aujourd'hui, on s'intéresse à la taxe foncière. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous avez un problème, nous avons les solutions. Et ça se passe jusqu'à 11h30 sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Première. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Première. Première. La taxe foncière, on en parle avec nos experts des finances publiques, Raphaël Chen-Im-Chinjoie et Stéphane Lelouarne. Vos questions 02 62 99 2000. D'abord messieurs, quand on parle de taxe foncière, de quoi parle-t-on exactement et qui est concerné par cette taxe ? Donc la taxe foncière, c'est tout simplement une taxe qui est imposée pour les propriétaires de biens bâtis ou non bâtis. C'est-à-dire, en gros, si on est propriétaire d'une maison, d'un terrain, d'un commerce, on est imposé à la taxe foncière. Voilà. Il suffit d'être propriétaire au 1er janvier de l'année pour être assujetti à cette taxe. Voilà. Alors, bien se dire également, si on est propriétaire, qu'on n'a pas encore reçu sa taxe, c'est qu'il y a un problème, mais on est assujetti si on est propriétaire au 1er janvier. On est d'accord. Exactement. Voilà, donc il faut aller se renseigner. On va voir ça au fil de l'émission, de savoir un petit peu comment on fait, quelles sont les démarches à effectuer si on n'a pas reçu sa taxe, si on pense qu'il y a un souci, si on a envie de contester. On a simplement envie d'avoir des renseignements. 99-2000, on va aller tout de suite au standard. Marie de Saint-Gilles est avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde, le bateau. Quoi l'arrivée Marie? Ah, Marie va avoir un renseignement concernant la taxe foncière, justement. Eh bien, ça tombe bien, les experts sont là, Marie. Profite, voilà, ma fille, profite. Voilà, on a construit ma maison sur un terrain à Saint-Gilles, commune de Saint-Paul. D'accord. Quand elle a construit, le terrain n'était pas en mouvement. Donc, ça veut dire que j'ai eu mon permis, il n'y a pas eu de problème, rien du tout. Qu'est-ce que ça appelle le terrain, il était en mouvement, Marie? Oui, mais quand tu dis, c'est le sang qui passe, quand il dit comme ça, le terrain, il n'est pas bon, il est en risque, quoi, un truc comme ça, là. Ah, d'accord. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que comme elle a construit ma case, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, donc la maison est tranquille. Mmh. Maintenant, d'après le SAR, la zone rouge, il passe en plein dans mon salon. Ça veut dire qu'il y a un morceau de mon terrain, est inconstructible, il devient à risque, on va dire. D'accord. Mais j'aimerais savoir, quand il s'agit de payer les impôts maintenant, est-ce que cette zone-là, il est déduit ou alors il tient compte toujours dans un risque? Le gars, tu construis, il ne fait rien dessus. C'est un terrain... comprends ce que je veux dire. Oui, comprends bien. Alors, Raphaël, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut dire à Marie qui a un morceau de terrain constructible du coup, qui se retrouve dans son salon? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que madame est imposée sur la maison existante. Donc la maison, elle est toujours imposée. Et quelle que soit la nouvelle cartographie de la zone à risque, la maison, elle continue à avoir... Pour nous, la même valeur locative, ce qui sert de base d'imposition en fait, non, à la taxe foncière. Quand j'ai demandé à un agent immobilier d'évaluer ma maison, il m'a dit ben ça pose un gros risque quand même parce que ça dévalue votre terrain. Eh ben alors si ça dévalue, ça doit coûter moins cher la taxe foncière, non? Justement, j'aimerais savoir parce que là, on l'a augmenté là. Il paye quand même 2200 d'impôts et taxes foncières. Alors, donc Stéphane. L'évaluation de votre maison, c'est une évaluation fiscale. Ouais. C'est relativement déconnecté de la valeur du marché. Quand je dis déconnecté, c'est-à-dire que on a nos propres règles d'évaluation d'une maison qui ne correspondent pas nécessairement à l'évaluation, qu'on pourrait en faire lorsque la maison est vendue ou achetée. D'accord. Donc, le fait qu'elle soit dans une zone à risque peut éventuellement permettre de revoir, par exemple, dans la modalité de calcul, un coefficient de situation, mais qui reste, on va dire, à la marge dans l'évaluation du local. Il ne faut pas s'attendre à avoir une évaluation qui va baisser. Qui va considérablement prix de sa taxe. Oui. Alors là, pour malgré tout, même si ça reste à la marge, Marie, quelle démarche est-ce qu'elle peut faire auprès de vos services, par exemple? Elle se rapproche de notre service directement, elle explique la situation, on regarde son dossier avec elle, et on voit ensuite si l'évaluation est toujours correcte ou pas en fonction de sa situation. Et ça, peut-être que le coefficient était déjà relativement bas. Pour la foncière ou la taxe d'habitation, ou les deux? La base foncière qui sert à la taxe foncière et la base foncière qui sert à la taxe d'habitation, c'est la même. D'accord. Donc de toute façon, si l'évaluation est revue pour la taxe foncière, elle sera revue pour ce qui est de la base foncière sur la taxe d'habitation également. Le conseil à donner à Marie, il faut le faire avant de payer les taxes de cette année, ou est-ce qu'il faut d'abord négocier? Ah non, de toute façon, il faut qu'elle paye sa taxe foncière, parce que le temps à l'heure actuelle, la taxe foncière, la date limite, c'est le 17 octobre. Okay. Donc, le temps de revoir éventuellement son évaluation, en plus, comme je vous dis, ce serait vraiment à la marge, je pense. Il y a de toute façon un principe de base, c'est de commencer par payer sa taxe foncière. Bon, bah, essaye gratte à monnaie, Marie, mais bon. Mais franchement, ça arrive à beaucoup de monde, ça. Il déclare, etc. Et puis, donc, du coup, on se retrouve à payer des choses. En plus, que vu l'augmentation qu'il y a eu à Saint-Paul. Je comprends bien, Marie. Ce qu'il faut bien comprendre, pour être plus précis, c'est que la taxe foncière que madame paye, c'est une taxe foncière bâtie. C'est-à-dire que le terrain, lui, est certainement devenu une dépendance directe de sa maison. D'accord. Donc en fait, même si y a un bout de terrain qui passe en zone rouge, la maison, elle reste évaluée. D'accord. Et c'est cette base-là qui va servir à la taxe foncière. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir une partie du terrain passé en zone rouge qui va faire baisser la taxe foncière. Mais c'est dommage quand même, parce que... Ah ben, qu'il dites-vous, Marie, mais enfin. Hein, au moins, vous avez une réponse à votre question, Marie, d'accord? D'accord, au moins, je peux voir les impôts pour expliquer mon cas. C'est ça, et sait-on jamais. Vous n'hésiterez pas à nous rappeler pour nous dire si jamais, après discussion, la marge était intéressante ou pas financièrement. Les bons? D'accord. Merci Marie, belle journée à vous. Journée. Au revoir, 02 62 99 2000. Si comme Marie de Saint-Gilles, vous avez des questions à poser concernant la taxe d'habitation, ça se passe donc au standard de la première 99 2000 par SMS, le 70 2000 à Saint-Joseph. Vania est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Vania. Oui, donc pour moi ce serait donc une question ce qui concerne la taxe foncière, oui, ce qu'il y a dessus en tout cas. Mais pour moi, ce serait plus la taxe d'ordures ménagères. Est-ce que je suis dans le sujet, j'espère, parce que ça figure sur la taxe foncière, donc voilà. Je vois que mes invités sourient, alors posez votre question. Allez-y. Oui, moi, j'ai pas envie de trop de sourire. Ah, je comprends, ma fille. Je comprends. Donc justement, je me renseigne un petit peu autour de moi, des voisins, de tout le monde. Et on a une maison, ni trop grande, ni trop petite, en tout cas, voilà. Je comprends pas, parce qu'autour de moi, il y en a qui payent 188 euros, il y en a qui payent 200 et des poussières, il y en a qui payent... Et moi, je suis à 400. Là, je n'ai pas le montant exact devant les yeux parce que j'ai fait le trajet pour revenir au boulot. Donc, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui justifie cette somme? Alors, messieurs, la taxe d'ordures ménagères, comment se fait-il que Vania paye un montant, sa voisine un autre, son voisin d'en face un autre? Comment ça se passe? Après, des foyers plus grands, des foyers... Voilà, je comprends. On va essayer de dépatouiller, ne vous inquiétez pas, Vania. D'accord, merci. Alors, bien. Stéphane Leloir, dites-nous. La taxe foncière et la taxe d'ordures ménagères sont calculées exactement de la même façon, c'est-à-dire sur la valeur locative, donc sur l'évaluation fiscale de votre bien. Donc c'est l'évaluation fiscale du bien qui va déterminer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la même façon que la taxe foncière. Donc si votre maison est plus grande que celle de vos voisins, en tout état de cause, vous devez avoir une taxe foncière et une taxe d'enlèvement des ordures ménagères plus grande. Bon, quand je dis plus grande... Si on a une famille, si on a 10 personnes, entre guillemets, dans un 50 mètres carrés, moi j'ai 3 personnes dans un 90 mètres carrés, donc voilà. Je comprends et je ne comprends pas. Oui, donc, on comprend bien, Vania. C'est un peu le truc qu'on met les murs à la poubelle, quoi. Les murs, je ne sais pas, mais toujours est-il que le législateur a prévu que la taxe foncière serait imposée en fonction de cette valeur locative. Donc c'est un choix du législateur à l'origine. Voilà. C'est-à-dire content, pas content, je pense que ce qui a été considéré, c'est que quand on avait une grande maison, il y avait plus de chances qu'il y ait du monde dedans que dans un studio. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas de commentaire autre que ça. Mais il y en a qui mettent 5 dans un studio, mais bon, voilà. Vania, elle en a gros sur la patate ce matin. Ah non, mais je suis chiante. C'est normal, mais je comprends. C'est vrai qu'on avait plus de monde dans la maison. Il y avait papa, qui habitait chez nous à l'époque. J'avais ma fille aînée, on était à 5 personnes, on se retrouve à 3. Et malgré tout, la taxe d'ordures ménagères ne cesse d'augmenter. Ce qui est un petit peu écœurant, entre guillemets, c'est que le service qui a diminué de moitié, avant on passait deux fois par semaine la poubelle verte et une fois par semaine la poubelle jaune, donc on nous a réduit de moitié, et cette taxe ne cesse d'augmenter. comprend bien, Vania. Voilà, ça augmente, mais le service et les prestations diminuent. Donc, il y a aussi un souci, je ne sais pas, qui... Voilà. Stéphane Lelouarn, est-ce que quand une situation dans une famille, par exemple, change, là, on l'entend avec Vania, il y a moins de monde dans sa maison, et pourtant, est-ce que ça, ce sont des détails? Est-ce qu'il y a des changements de situation comme ça qu'il faudrait peut-être pouvoir signaler au service des impôts de manière à ce que ça baisse, ou bien non? Comme je l'ai dit, ça ne changera rien, parce que c'est une taxe, ça n'est pas une redevance. Il faut faire la différence entre taxe et redevance. La redevance, c'est la prendre en compte. Et malgré tout, les prestations qui diminuent de moitié aussi. Ça, personne ne dit rien non plus. Vous l'avez dit, Vania. La taxe n'est pas liée, malheureusement, aux prestations. Vania. D'accord, voilà. je suis un peu dégoûtée, oui, je sais, mais c'est comme ça. Mais au moins, vous savez, d'accord? Voilà. Merci beaucoup. Je saurai. Merci bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de repartir au standard, Raphaël ou Stéphane, on l'entend souvent, quand on parle de taxes, évidemment, dès qu'il s'agit de payer, on a des incompréhensions. Ça, vous devez aussi faire face aux contribuables qui viennent simplement parce qu'ils sont pas contents. Il y a aussi un gros travail d'explication à faire. Souvent, on n'est pas content parce qu'on ne comprend pas. On a l'impression que, la rajoute à moins 100 euros, mais on comprend pas comment. Il y a aussi un gros travail de la part de vos services, des agents, d'explication aux gens. Les gens ont besoin de savoir pourquoi ils payent. Durant cette période-ci, c'est le principal de notre travail, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi les gens payent leurs taxes. Il y a énormément de gens qui nous sollicitent et dans peu de situations, et derrière, il y a un dégrèvement. Il faut en fait expliquer aux gens pourquoi, effectivement, ils ont tel montant à payer. Le dossier peut être tout à fait correct, mais les gens trouvent qu'ils payent effectivement toujours un petit peu trop cher par rapport à leur situation. Raphaël, à côté de vous, acquiesce, vous l'êtes d'accord. C'est toujours un petit peu comme ça. Bon, si vous avez des questions, vous aussi, à la maison, concernant cette taxe foncière, vous voulez en savoir plus, connaître le pourquoi du comment, il y a une seule chose à faire, c'est de composer le 02 62 99 2000. Les experts, c'est jusqu'à 11h30 sur la première. À tout de suite. Nunca pensé enamorarme así de los pies a la cabeza. Had me feeling like a little girl in a fairy tale, como un cuento de princesa. Nunca pensé. Les experts sur la première consacrée aujourd'hui, eh bien, à votre taxe foncière. Le 02 62 99 2000 à votre disposition jusqu'à 11h30 pour tout savoir de cette taxe. Terrain bâti, terrain non bâti, comment est calculée la taxe foncière? Quid de la taxe d'ordure ménagère? Est-ce que l'on peut être exonéré? Dans quel cas? Quelles sont les démarches à faire? 99 2000 par SMS, le 06 92 70 2000, promis. Nous poserons bien évidemment à nos experts également vos questions arrivées par SMS pour vous aider à y voir plus clair dans cette taxe foncière. Nous recevons ce matin Raphaël Chan-Im-Chinjois et Stéphane Le Louarn. Au standard de la première, eh bien, il y a Sully qui nous appelle du Sud. Bonjour Sully. Bonjour. Bonjour. À tout le monde, tout sur le plateau. En préliminaire, je voudrais m'associer à la déconvenue de cette pauvre dame. Ben oui. Qui, malheureusement, comme tous les contribuables, on a l'impression effectivement d'être saigné à vif. Hein. Mais c'est vrai, c'est le ressenti que l'on a depuis quelques années où les impôts ne cessent d'augmenter. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il nous faut aussi nourrir, on va dire ça entre guillemets, les rois et les petits rois et voilà. Qui gouvernent. Sully, d'accord, il a passé voilà. Son petit on a, message. On arrive maintenant au allez, au la sujet. Question, Sully. Oui. Moi, j'aimerais poser deux questions. Allez-y. À la personne sur votre plateau. La première, c'est vrai que le calcul de la taxe foncière est fonction, bien sûr, de la valeur, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on constate beaucoup à La Réunion, et vous allez pouvoir me le confirmer, nous avons des gens, par exemple, qui construisent une petite maison de 50 mètres carrés, tout simplement. Et puis, au fil des années, il y a des rajouts de 20, 30, 40, 50, bout, 60, bout, 50 mètres carrés. Mm-hmm. Voilà, exactement. Et pourtant, ces gens-là payent toujours une taxe foncière, on va le dire, défiant toute concurrence. Vous comprenez ce que je veux dire? On va en parler, Sully. À mon sujet. Vous, si vous avez fait un malheureux 90 mètres carrés, qui va rester toujours à cette superficie, ben vous aurez toujours à payer pour les autres. Ensuite, dernière question, j'en avais deux. Deuxième question, est-ce que votre expert peut nous confirmer ceci, à savoir que, paraîtrait-il, lorsque vous avez une maison, admettons de 80 mètres carrés, et bien sûr, cette maison dans cette superficie sont déjà comprises, et la superficie de la salle d'eau et de la cuisine et autres, ouatrières, etc. Oui. Paraîtrait-il, lorsqu'ils font le calcul, ils ont un coefficient multiplicateur pour les surfaces encore de salles de bain, etc., etc., etc. En fin de compte, si vous voulez, on paye deux fois alors. On paye deux fois le montant de la taxe foncière, ce qui est bien sûr du vol. Oui, si c'est le cas, effectivement, c'est bizarre. Sully, parlons d'un chat, un chat. Mais oui, dans les experts, on appelle un chat, vous avez bien raison. Sully, merci beaucoup, on va prendre les questions par le début. Merci beaucoup, Sully. Alors, le premier, est-ce qu'il y a un contrôle pour savoir, justement, ces gens qui ont construit un 90 mètres, et puis, tibout, un bout en plus, et est-ce que, du coup, il y a des contrôles pour savoir si la surface, eh bien, qui a augmenté, eh bien, et du coup, taxé, imposé aussi. Qu'est-ce que l'on peut dire, répondre à Sully. Stéphane Le Louarn. Alors, le principe, c'est que la taxe foncière, elle est calculée sur une valeur locative. Cette valeur locative, elle est issue d'une déclaration. C'est-à-dire que c'est les propriétaires qui déclarent leur logement, la construction qu'ils viennent d'édifier. Cette construction, elle est suivie à partir du moment où on dépose un permis en commune. Et ces permis nous sont transmis pour que nous aussi, on puisse suivre. Donc, lorsque la construction est terminée, normalement, le propriétaire a 90 jours pour nous déclarer cette construction nouvelle, ou addition de construction. Donc, c'est sa responsabilité de faire cette déclaration. Nous, notre principe, c'est de suivre au mieux ces permis et de demander aux gens qui oublient de déclarer, de déclarer. Après, si on a des personnes qui ont une petite case et qui rajoutent un bout et puis un autre, et qui ne déclarent pas de permis de construire, mais on n'est pas forcément au courant de cette construction. La deuxième possibilité pour nous d'être au courant, c'est d'aller sur le terrain et de veiller à ce que chaque nouvel édifice soit connu dans nos bases. Mais vous allez sur le terrain suite à quoi? Des dénonciations? Non. Suite à des contrôles qui ont quelle origine? On a deux tâches, en fait, au CADAS. C'est établir la taxe foncière et mettre à jour le plan cadastral. D'accord. Donc on a des agents de terrain qui mettent à jour le plan cadastral et qui, dans ce cadre-là, peuvent constater que il y a des constructions qui sont inconnues de nos services. Mais quand de temps en temps, deux ou trois fois par an, on voit les hélicoptères qui survolent un peu les communes, c'est bien aussi pour vérifier qu'on n'a pas un bout en plus la poussée, une piscine la poussée, que l'a pas été déclarée. À l'heure actuelle, c'est très facile de savoir effectivement que il y a des changements avec des photos aériennes. Les photos aériennes, sur Google Earth, c'est facile aussi. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, on a une multitude de moyens pour savoir si des constructions existent. Donc effectivement, on peut utiliser ces méthodes-là. Mmh. Donc quand on a un doute, on va avoir les photos aériennes. Les photos aériennes, elles sont faites par l'administration, elles sont faites par des opérateurs Internet. On a une multitude aujourd'hui de photos aériennes qui nous permettent éventuellement de travailler, effectivement. On a également quelqu'un par SMS qui nous signale le 70-2000 que comme est là, on utilise des drones pour surveiller. Non, il n'y a pas la Réunion encore. À la Réunion qui surveille. En métropole peut-être, mais pas... On a un travail de plus longue haleine que de faire des coups avec des drones. Pour faire simple, Raphaël, par exemple, quelles sont les constructions, les agrandissements que l'on fait à la maison, que l'on doit signaler au service, par exemple, des impôts? Est-ce que si Miral deux feuilles tôles pour faire un petit véranda, il faut m'y déclare? Est-ce qu'à partir du moment où m'y ferme tout, il faut m'y déclare? Qu'est-ce qui rentre dans la déclaration et qu'est-ce qui ne nécessite pas que l'on informe les services concernés? Alors normalement, tout ce qui doit se déclarer, c'est tout ce qui fait l'objet d'un permis de construire, d'accord, de base. Donc là, auprès de la mairie, vous avez tous les éléments, les mairies, elles peuvent vous renseigner là-dessus. D'accord. Après, nous, à notre niveau, ce qu'on a comme élément à déclarer, c'est tout ce qui est terrasse, tout ce qui est... Terrasse, on déclare? Oui. Oui. Construction nouvelle. Toute construction nouvelle... Je pense pas qu'il y ait de minimum de confirmement. Jusqu'à il y a peu de temps, il y avait un minimum. C'est-à-dire que si la construction nouvelle ne dépassait pas 10% de l'évaluation d'origine, on pouvait s'abstenir de déclarer. Cette disposition a évolué et aujourd'hui, c'est toute construction nouvelle doit être déclarée. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. 02 62 99 2000 par SMS, le 70 2000. On va au tampon. Benjamin est avec nous pour une question. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai trois questions. Aïe, aïe, aïe, ma fille. Allez. Je ne pense pas être trop difficile. Allez, commence par le premier. On paye sa taxe foncière. D'accord. Parce que tout en sachant que cette personne, elle a 94 ans. D'accord. Et puis, comme cette année, elle a été exonérée de la taxe foncière qu'elle payait. Elle ne payait plus les autres, mais la taxe foncière, elle payait. Mmh. Alors, quelqu'un a fait la demande de dégrèvement pour elle. D'accord. Et cette année, elle n'a pas payé. Elle a été exonérée Bien. De la taxe foncière. Mmh. Et la dernière, c'est si l'usufruitier ne paye pas, qui est cette personne de 94 ans, si elle ne paye pas et... Qui c'est qui doit payer l'impôt, tout en sachant que le bénéficiaire qui n'habite pas dans cette maison, elle n'habite pas là, elle n'est pas là. Mmh. Donc, qui c'est qui doit payer cet impôt? Et tout en sachant qu'elle a 94 ans. 94 ans. Alors, à partir de quel âge peut-on être exonéré de la taxe foncière, Raphaël? Alors, À partir de 75 ans. 75 ans. À partir de 75 ans, donc effectivement, mais c'est soumis à des conditions, il y a des conditions de revenus. Ah, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir 75 ans. Non, voilà, il y a des conditions de revenus et de cohabitation, voilà, il y a des conditions de revenus à respecter. D'accord. Donc il y a un revenu fiscal de référence à ne pas dépasser en fonction du nombre de parts qui est indiqué sur l'avis d'imposition. D'accord. Et c'est en fonction de ça qu'on va déterminer si effectivement elle a droit à l'exonération ou pas, tout en sachant que les ordures ménagères ne sont jamais exonérées. Ah, c'est-à-dire qu'on peut être exonéré de la taxe foncière, mais reste la taxe d'ordures ménagères. Il restera toujours les ordures ménagères à régler. D'accord, bonne à savoir. Donc, effectivement, si la dame elle a eu la totalité, parce que la première année, généralement, il faut faire la demande, parce que ce n'est pas automatique. D'accord. Il y a des dossiers où ce n'est pas exonéré d'office. Donc, petite question, pardon Raphaël. Oui. Là, cette personne vient d'être exonérée à 94 ans. Ça veut dire qu'elle aurait pu l'être depuis ses 75 ans. Est-ce qu'il y a moyen d'être remboursée pour toutes les années où elle a payé et où elle n'a pas été exonérée? Alors, après... elle a oublié de faire sa déclaration, elle ne l'a pas faite, elle ne savait pas, ou... Il y a toujours moyen de gratter un petit monnaie, quoi. En matière de réclamation, oui, il y a toujours des délais, donc, pour réclamer. Par contre, on ne pourra pas remonter... Il ne remonte pas jusqu'à... Voilà. Logiquement, c'est... Les 9 dernières années, quoi. Non, logiquement, c'est le délai légal et c'est les 2 dernières années. Ah, Très bien, donc ça à faire, on ne sait jamais. Mais après, c'est, comme je disais, c'est aussi, il y a les conditions, il faut revérifier pour chaque année les conditions, d'accord, si les conditions sont respectées pour l'exonération. D'accord. Ok, Benjamin ? Oui, ça va, mais j'ai encore une petite question. Comme là, elle a des arriérés dont elle a été majorée, est-ce qu'on peut enlever ça, effacer ça ? Ça, c'est, après ça, c'est une demande de remise gracieuse. Donc la demande de remise gracieuse, c'est directement à voir avec le service de recouvrement concerné. Mm-hmm. Mais de toute façon, en tout état de cause, de prime abord, s'il y a des arriérés, les remises de majoration, ce sera de base non remises tant que les droits ne seront pas payés. Mais bon, après ça, ce sera à la décision du comptable. C'est lui qui pourra prendre la décision s'il vous accorde ou pas cette remise de majoration. D'accord. La remise gracieuse, la démarche, comment est-ce qu'on la demande ? Un courrier au service Voilà, les courriers, enfin, généralement, maintenant, on n'est plus trop sur le mode du courrier. C'est un plus courriel. Mmh. Voilà, donc ou bien directement sur son compte fiscal. Sur le compte fiscal, on peut se connecter à son compte et faire la demande directement via son portail, enfin son compte fiscal en ligne. D'accord ? D'accord, c'est voilà. Bon, merci beaucoup. Benjamin, bon courage et merci de prendre des renseignements pour cette personne qui peut compter sur vous. Merci beaucoup. Heureusement, Marma, elle est là, point de moment. C'est important. Merci beaucoup. Allez, 02 62 99 2000 06 92 70 2000 pour toutes vos questions. Besoin d'un renseignement concernant cette taxe foncière, savoir comment est-ce qu'on fait pour être exonéré, dans quel cas on peut l'être. On va revenir, si vous le voulez bien, sur le calcul du montant de cette taxe foncière. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir, est-ce que cela dépend également de ses revenus que l'on déclare ou est-ce que cela n'a aucun rapport ? Beaucoup de questions là-dessus. La valeur locative foncière, est déterminée uniquement par les caractéristiques de la maison. Voilà. Surface. Quel que soit, ça n'a rien à voir, les revenus, c'est autre chose. Non, si vous construisez une grande villa avec des grandes baies vitrées, plein de salles de bain, vous allez payer forcément plus cher, même si vous avez des revenus qui baissent entre-temps. D'accord. C'est toujours la maison qui va être prise en compte. Alors, on va revenir sur, on a oublié cette question de Sully tout à l'heure, concernant le coefficient pour les salles de bain qui est prise en compte, on recalcule après, donc on paye deux fois sur la salle de bain. Non. Alors, légende urbaine Non, c'est pas tout à fait ça, en fait. Vous avez le principe de base, c'est on prend la surface de la maison et on prend aussi sa catégorie, son standing, si vous voulez. D'accord ? Donc, c'est ce qui va déterminer sa valeur locative. En plus, dans l'évaluation donc de cette surface, on va effectivement prendre éventuellement le nombre de baignoires ou tout ce qui fait les éléments de confort de la maison. D'accord. Et ces éléments de confort vont être convertis en mètres carrés. Voilà, supplémentaire. Mais c'est quoi ? 1 ou 2 mètres carrés par élément de confort. Mmh. Mais en l'occurrence, c'est juste pour déterminer si on peut avoir une maison de 90 mètres carrés en bois sous tôle faite briquet de broc et une maison de 90 mètres carrés d'architecte avec tout confort. Et ces deux maisons-là, elles n'ont pas à être évaluées de la même façon. Mmh. Donc ces éléments de confort qu'on va prendre en compte, c'est pour justement pouvoir faire la différence entre ces deux maisons. On a cette question de Patrice qui nous arrive au 70 2000 qui nous dit que ses parents possèdent un terrain et payent une taxe foncière. Ils lui ont donné une petite parcelle, il a fait une petite construction, une petite maison. Est-ce que c'est normal que lui paye la taxe foncière sur ce même terrain ? Comme je l'ai dit... Puisqu'il y a deux maisons. C'est ça le truc ? Comme je l'ai dit, la taxe foncière, c'est autant une taxe foncière bâtie et non bâtie. Lorsque vous avez un terrain... Vous achetez un terrain nu. Il est taxé en tant que terrain nu. D'accord ? Voilà, terrain non bâti. Terrain non bâti. Un bout de taxe foncière. Vous commencez à vouloir faire des travaux dessus. Mm-hmm. Donc, vous faites en sorte que les réseaux arrivent. Donc là, votre terrain, il va évoluer déjà. On va le taxer en tant que terrain à bâtir. D'accord. Donc, la taxe va légèrement augmenter, mais ça sera de la taxe non bâtie. D'accord. La maison est construite. Mm-hmm. Le terrain devient une dépendance directe la plupart du temps quand il fait 400, 500 mètres carrés, comme la plupart du temps on achète des terrains à l'heure actuelle. Le terrain devient une dépendance directe de la maison. Et là, c'est l'évaluation de la maison qui prend le relais de l'évaluation de la maison. C'est-à-dire qu'on va être taxé sur la maison et le terrain va être transparent. Il ne sera plus taxé en l'occurrence. Donc, quand les parents de monsieur ont donné un petit bout de terrain, il était déjà certainement considéré comme une dépendance de la maison des parents. D'accord. Donc le petit bout qu'il a pris là, il n'était pas taxé directement sur, sur ses parents. Mmh. Donc quand ils ont donné à leur fils, ils n'ont pas vu leur taxe foncière baisser. Mmh. Par contre, lui, effectivement, quand il a construit sa, sa maison, eh ben, mmh. ça fait une deuxième maison, donc il est taxé pour sa donc maison. Donc sa taxe. Et ça augmente la taxe, enfin, des deux, on va dire. Une taxe qui n'a pas changé pour les parents, mmh. et une taxe nouvelle pour une construction nouvelle oui. Pour le fils. D'accord, et ben voilà, vous savez tout. 99, 2000, 70, 2000 pour les SMS. Dans Les Experts aujourd'hui, nous nous intéressons eh bien, à la taxe foncière. A tout de suite. Devant la Réunion, Gaël Le Dantec. Il est au cœur d'un des sujets polémiques. Moi, je souhaite un rééquilibrage du territoire. Il aura la lourde tâche de convaincre les électeurs de gauche. Moi, encore une fois, comme pour le parc, je vous dirais conseiller que... municipal d'opposition à la mairie de Saint-Denis. On est une richesse supplémentaire, mais on est aussi une sensation. Devant la Réunion, le magazine politique de la rédaction, tous les lundis à 18h15 sur Réunion Première. Nana, trois bonhommes. Le premier y arrive en l'air, peut-être, mais vous allez. Pourquoi elle est là, m'y connaît pis, mais aime à elle, faut m'y suivre. M'y regarde devant, ça y suffit, gauche, droite, elle y décide. Petit homme indécis, fomblin, y clairement vit. M'y fait rien, pas m'y fatigue, masse pas jusqu'à nuit. Me fait faire du sport, jusque-là, je l'adore. Mais si elle dit je t'aime encore, mais va croire ça, c'est mes morts. La loue n'est pas pressée, à soi nous va arriver. Je peux bien l'attraper, mais rien lui demander. Même au lit. Ouhou. Le reste, il s'en occupe. Elle a choisi la route. C'est bon d'être amoureux, mais tout seul, il serait mieux. Il l'épouse au prochain tournant, lui fait à elle un tas d'enfants. Leïla Negro, patronne sur la première. On continue de parler de la taxe foncière avec aujourd'hui nos experts des finances publiques, Raphaël Chanim Chinjois et Stéphane Leloirne. Vos questions au 99-2000. On va aller tout de suite à la plaine des palmistes. Marie-Claude nous attend. Bonjour Marie-Claude. Allô, oui, bonjour. Bonjour, quoi l'arrivée ? Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je voudrais savoir quelle différence il y a entre la taxe foncière et la taxe d'habitation. D'accord. Sur la taxe foncière, tout à l'heure, j'ai entendu, c'est sur la valeur de la maison, la grandeur, enfin, si j'ai bien compris. Ah, c'est-à-dire comment ils calculent les deux, alors, voilà. Les deux, les différents. D'accord. Voilà, voilà. Très bien. Oui, après, on a une autre question, on enchaîne les deux tout de suite, comme ça. Oui, alors, la deuxième petite question, c'est quand les parents, les décédés. Mmh. Mais que le terrain n'a pas été partagé. Hein. Mmh. la taxe foncière, il sort toujours au nom des parents. D'accord. Mais que n'a point personne y vive sur le terrain. Oui. On doit la payer, on a un droit au dégrèvement, comment ça se passe? Ah là, j'ai vu les deux qui ont fait non, non, non. Non, oui, d'accord. Allez Marie-Claude, vous allez avoir des éléments de réponse. Alors, taxe d'habitation, taxe foncière, est-ce qu'il y a une différence de calcul dans les deux? Comment ça se passe? On va commencer d'abord pour la taxe d'habitation. Raphaël? Alors, non, le mieux c'est de commencer par la taxe foncière. Parce que la taxe foncière, je vais peut-être pas revenir en détail dessus, puisque Stéphane l'a expliqué tout à l'heure. On en a beaucoup parlé, la valeur. Donc effectivement, il y a la valeur locative. Après, il y a des taux qui sont impliqués, votés par les collectivités, etc. D'accord. Donc, pour déterminer justement le montant de l'imposition. Donc, il n'y a aucune prise en compte des revenus, etc. Par contre, la taxe d'habitation, quant à elle, là, effectivement, on reprend la base de calcul qui a été effectuée pour le calcul de la taxe foncière. On réapplique les taux également votés par les collectivités. Ce ne sont pas forcément les mêmes, mais ça peut correspondre. Ça varie d'une commune à l'autre, bon d'accord. Voilà, et ensuite, on prend en compte le revenu pour voir le revenu fiscal de référence à l'impôt sur le revenu pour voir si la personne a droit à un plafonnement de la taxe ou pas. D'accord. Ça veut dire que si j'ai gagné un monnaie en plus, par exemple l'année dernière, forcément ma taxe d'habitation va augmenter? Non, parce que si vous voulez, de base, quand c'est calculé, il y a un montant plafond maximum. D'accord. Et donc, c'est calculé avec ce montant plafond. Et en fonction de vos revenus, on calcule si vous avez droit à un plafonnement donc à la baisse dessus ou pas. D'accord. Marie-Claude, c'est ça où tu veux connaître là? Oui, parce qu'en fait, même ils ne travaillent pas quand c'est la remonte, mais la taxe d'habitation, ils trouvent qu'elle est un peu élevée par rapport à l'année passée. Voilà, par contre, ce qui concerne la taxe d'habitation, on prend en compte les revenus de toutes les personnes occupant le logement. Mais si ça n'a pas changé, est-ce que c'est parce que le taux des collectivités a, lui, augmenté? Voilà, après, il faut voir les taux qui ont été votés par la commune. D'accord. Mais la valeur locative qui a servi pour calculer la taxe foncière et la taxe d'habitation, donc ça correspondra forcément au même montant. D'accord. Les bons, Marie-Claude, les clairs? D'accord, c'est bon, merci. Super, merci beaucoup. Voilà. Merci, allez, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, à quelques éléments près, c'est ça, au niveau de la base d'imposition. Parce qu'il y a des distinctions quand même entre taxe foncière et taxe d'habitation. Vous voulez rajouter quelque chose, Stéphane? Oui, là, si vous comparez votre base foncière sur la taxe d'habitation et sur votre taxe d'habitation et votre taxe foncière, vous verrez des chiffres différents. En fait, il suffit de multiplier la base de la taxe foncière par 2 pour avoir la base de la taxe d'habitation. D'accord, on répète ça parce que vous êtes allé un peu vite. Donc la base foncière, en fait, c'est le même calcul, sauf que la taxe d'habitation va apparaître 2 fois plus élevée. D'accord. En fait, j'aurais dû dire le contraire, c'est la taxe d'habitation qui a la base réelle et la taxe foncière est divisée par 2. D'accord. C'est prévu dans le mode de calcul des taxes. Alors juste avant d'aller au standard et de retrouver Ophélie, on a cette petite question par SMS de quelqu'un qui voudrait savoir qu'est-ce que vous avez appelé tout à l'heure éléments de confort? On parlait notamment des salles de bain. Voilà, les éléments de confort, ça peut être donc le nombre de salles de baignoire que vous avez dans la maison, le nombre de douches, le nombre de toilettes, est-ce que vous avez le chauffage central ou la climatisation centrale, tous ces éléments qui font que dans votre maison, vous cocoonez un petit peu plus. Voilà. Si même le cocoonier est taxé comme est là. Voilà. Bon, d'accord. Ok, super. Alors, sachant que. Oui. Ça, c'est en plus, mais je me rappelle que la question du monsieur tout à l'heure, il disait tout est rajouté. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des surfaces annexes qui sont imposées moins. C'est-à-dire que si vous avez une terrasse, elle est effectivement prise en compte, mais elle est retranchée d'une partie. C'est-à-dire que pour un mètre carré, vous allez être taxé que pour 30 cm carrés, par exemple. D'accord. Voilà, donc on n'est pas tout le temps en train de rajouter. D'accord, c'est pour ça aussi que parfois, pas la peine d'avoir peur d'aller déclarer parce qu'on a rajouté deux petits bouts de l'atoll pour faire une terrasse. Voilà, ne pas changer grand-chose. Un abri de voiture, il va être pris en abri de voiture, il ne va pas être pris comme la surface habitable. D'accord. Donc toutes les surfaces ne sont pas prises en compte de la même façon. Enfin, comprenez que des fois, concernant les impôts, on a toujours un petit peu peur d'aller vous prévenir qu'on a fait quelques aménagements. Bon, voilà. Ophélie de Saint-Denis avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, moi j'appelle... Je loue un appartement de 55 mètres carrés et ma taxe ménagère est beaucoup élevée. Et plus que d'habitude? J'ai jamais payé parce que c'est la première année que je dois payer. Ça fait un an que je suis dans Fallait pas dire ça, Ophélie! Ça fait un an que je suis dans l'appartement. D'accord. Et je trouve élevée étant étudiante. Ah, d'accord. Messieurs, En fait, vous êtes locataire, vous n'êtes pas propriétaire. Voilà, je suis locataire. Et locataire étudiante. D'accord, c'est le propriétaire qui vous réclame en fait les ordures ménagères. Oui, c'est ça. D'accord. Malheureusement, il est en droit de le réclamer si c'est prévu dans, si ça a été prévu dans le contrat de location. Donc, il peut vous le réclamer. Mm-hmm. Après, vous pouvez lui demander le justificatif du montant de les ordures ménagères. Donc après, il va vous fournir une copie certainement de sa taxe d'habitation et vous verrez le détail du calcul dessus. Sa taxe foncière. Taxe foncière, pardon. Voilà. Demande à lui un petit justificatif toujours. Oui, j'ai déjà là. Enfin, j'ai c'est déjà ça eu. Même, l'a pas trompé. Non. L'a pas trompé. Et, enfin, c'est très élevé. Mmh. Et, enfin, après, dans le bail, c'était pas détaillé comme quoi je devais payer les taxes ordures. C'est prévu par la législation. Donc, c'est-à-dire que même s'il ne l'a pas marqué, c'est comme c'est, ça. C'est, voilà, c'est depuis 1948. Ah. D'accord. Enfin, les batailles, ça va être compliqué parce que depuis 1948, c'est comme ça, Ophélie. D'accord. Oui. Ah, bah, voilà, prends courage, ma fille. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, Ophélie. On continue avec vos questions. Vous n'hésitez pas. Le 99-2000 par SMS, le 06-92-70-2000. Et puis, vous saurez également que toutes les informations concernant la taxe foncière à retrouver sur notre site Facebook Les Experts. Rendez-vous juste après le journal de France Info. Continuez de vous inscrire auprès de Mathias au standard. On vous rappelle, bien évidemment, pouvoir poser vos questions pour vous aider. Raphaël Chan-Im Chinjois et Stéphane Lelouarn sur la première. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. So listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Les experts consacrés aujourd'hui à la taxe foncière, le 99-2000 à votre disposition pour vos questions par SMS, le 06-92-70-2000 pour poser vos questions. Nous recevons aujourd'hui pour vous aider Raphaël Chan-Im Chinjois et Stéphane Lelouarn pour vos questions. N'hésitez pas, terrain bâti, terrain non bâti, comment contester sa taxe foncière? On peut parler également de la taxe d'ordure ménagère. Dans quel cas peut-on être exonéré? À quoi sert cette taxe? Comment elle est calculée? Rendez-vous juste après le journal de France Info, 11h sur la première. Alors, l'info avec Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marie, bonjour à tous. La fin de la traque en Allemagne avec l'arrestation cette nuit de l'homme soupçonné de préparer un attentat. Le point à Berlin dans un instant. Près d'une semaine après le passage de l'ouragan Matthew, Haïti attend l'aide internationale. On va y revenir avec l'envoyé spécial de France Info. C'était le deuxième débat télé Clinton-Trump cette nuit aux États-Unis. La tension est encore montée d'un cran. Et le football, Pays-Bas-France ce soir, c'est le troisième match des Bleus dans les qualifications pour le Mondial 2018. France Info. Et d'abord en Allemagne, la chasse à l'homme s'est terminée cette nuit. La police recherchait un Syrien en fuite, soupçonné de préparer un attentat. Elle vient d'annoncer son arrestation. La fin d'une traque déclenchée il y a 48 heures dans tout le pays. À Berlin, pour France Info, Cyril Sauvageau. C'est hier soir que s'est achevée la cavale de Jaber Al-Bakr. Il aura donc fallu 48 heures pour retrouver la trace de ce Syrien de 22 ans qui avait échappé de peu à la police samedi lors d'une perquisition dans un HLM de Chemnitz. La chasse à l'homme a pris fin à une centaine de kilomètres de là, à Leipzig, dans un appartement occupé par deux autres Syriens où le fugitif avait trouvé à se faire héberger. Le parquet fédéral en charge de l'enquête va pouvoir tenter d'en savoir plus sur les intentions du suspect. Samedi, dans le logement qu'il venait de fuir, les forces spéciales de la police ont mis la main sur tout un stock d'explosifs. 500 grammes de TATP, cette substance déjà utilisée dans d'autres attentats attribués à Daesh. Jaber Al-Bakr était-il sur le point de passer à l'acte ? Le demandeur d'asile arrivé de Syrie il y a un an et demi était surveillé de près par les services de renseignement qui étaient au courant de sa radicalisation. L'annonce de son arrestation est accueillie avec soulagement ce matin en Allemagne. Sur Twitter, la police saxonne a posté tout à l'heure ce message « Nous sommes épuisés, mais très heureux de ce dénouement ». Berlin, Cyril Sauvageau, France Info. Hillary Clinton et Donald Trump avaient rendez-vous cette nuit pour le deuxième débat télévisé dans la course à la Maison Blanche. Un débat tendu, comme on s'y attendait après les récentes accusations contre Donald Trump et la diffusion de ses propos orduriers sur les femmes. Il s'est défendu en reprenant ses propres accusations d'abus sexuels contre Bill Clinton. Donald Trump menaçant aussi d'envoyer Hillary Clinton en prison s'il est élu. De son côté, la candidate démocrate a de nouveau voulu faire passer un message. Son rival n'a pas les qualités requises pour être président. Toujours aux États-Unis, Kenneth Thompson, l'avocat qui a défendu dans l'affaire DSK la femme de ménage Nafissatou Diallo, est mort hier des suites d'un cancer. Il venait d'annoncer il y a quelques jours qu'il quittait son poste de procureur de Brooklyn pour combattre la maladie. Le policier blessé samedi à Viry-Châtillon dans une attaque au cocktail Molotov était encore cette nuit entre la vie et la mort. Cet adjoint de sécurité du commissariat de Savigny-sur-Orge a 28 ans. Il souffre de graves brûlures. Il a été placé sous coma artificiel. Une autre policière de 39 ans est elle aussi toujours hospitalisée. Au total, 4 membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont 2 plus légèrement dans cette agression commise par un groupe d'une quinzaine de personnes qui ont jeté des cocktails Molotov sur les véhicules des policiers près du quartier sensible de la Grande Borne à Viry-Châtillon. Du changement aujourd'hui pour les APL, les aides personnalisées au logement. Jusqu'ici, seuls les revenus imposables étaient pris en compte. Désormais, le patrimoine est intégré. Vous êtes concerné si vous êtes propriétaire ou si vous avez 30 000 euros de côté sur un compte bancaire, même sur le livret A. L'objectif, c'est de mieux cibler cette aide qui concerne 6 millions de Français. En Haïti, à présent, près d'une semaine après le passage meurtrier de l'ouragan Matthew, l'aide internationale se met en place. Deux navires américains, dont un porte-avions, sont en route et le premier détachement des secours français est arrivé hier à Port-au-Prince. Un deuxième est attendu demain avec 30 tonnes d'aide et de matériel, notamment pour produire un demi-million de litres d'eau potable par jour. Mais des régions entières du sud d'Haïti restent coupées du monde et la population se sent souvent abandonnée. À Petit Goave, à une centaine de kilomètres à peine de Port-au-Prince, le reportage de l'envoyé spécial de France Info, Grégoire Le Callot. C'est un peu comme la promenade quotidienne pour de nombreux habitants du secteur, venir voir les voitures pataugées dans la rivière pour la traverser. À Petit Goave, l'ouragan Matthew a emporté le pont sur la route qui relie la capitale au sud-ouest du pays. Alors c'est une incessante noria de véhicules qui passent à gué. Assis sur un bout de ferraille de l'ancien pont, Samson vient tous les jours faire traverser les piétons sur ses épaules pour gagner un peu d'argent. Il n'a rien d'autre à faire, il est maraîcher et l'ouragan a emporté toutes ses cultures. Et ils disaient qu'ils ont tout perdu, leur bétail, leur récolte, des avocats, des pois pigeons et autres qu'ils allaient vendre. Et puis, ils se demandent s'il n'existe plus parce qu'ils ne voient pas encore les autorités arriver pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qui va être leur futur. D'autres agriculteurs du secteur sont avec lui. Ils regardent les camions de l'ONU passer sans s'arrêter. Quant aux autorités haïtiennes, Paul Sanel n'en espère plus grand-chose. La personne qu'on vote n'est pas la personne qu'on aura comme gouverneur. On vote quelqu'un en créole et on aura un représentant en français. On les voit dans les campagnes, mais après les campagnes, ils ne sont plus là. Et ce dimanche devait être un jour d'élection présidentielle en Haïti, reporté sine die. Et Grégoire Lecalot avec Eric Audra pour les moyens techniques et Roosevelt Augustin à la traduction. Le bilan de l'ouragan approche les 1000 morts selon les dernières estimations ce matin en Haïti. Le football avec le nouveau rendez-vous des Bleus dans les qualifications pour le Mondial 2018. Pays-Bas-France, le troisième match de la campagne 2018 pour les Bleus. Après une facile victoire vendredi dernier face à la Bulgarie et un nul en Biélorussie, il y aura un joueur au centre des interrogations. Ce soir, c'est Paul Pogba à Amsterdam pour France Info, Sébastien Hazard. Du talent, le monde entier lui en reconnaît et son transfert record, 110 millions d'euros à Manchester United, accrédite la thèse du futur crack. Mais en équipe de France, Paul Pogba reste une énigme, 10 bonnes minutes par-ci, 10 autres par-là, mais peu de matchs vraiment satisfaisants, ce que concède à demi-mot Didier Deschamps, le sélectionneur. Il peut, il doit mieux faire. Il le sait. Comme si le patron des Bleus commençait à perdre un peu patience, il en a fait des efforts pour mettre son milieu de terrain dans les meilleures conditions. Lors d'un match amical à Bordeaux il y a un an, Didier Deschamps lui a donné les clés, le faisant jouer en vrai numéro 10, une petite catastrophe. Pendant l'Euro, le sélectionneur lui a confié pendant toute une mi-temps le poste de milieu défensif gauche qu'il réclamait, sans plus de résultats. Il y a comme un doute, même si le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, réaffirme l'importance de Paul Pogba. Il y a plein de petites choses qui freinent un petit peu son élan, mais il a beaucoup de qualité, beaucoup de talent, et c'est pour ça qu'on est exigeant envers lui. Après, je peux comprendre également qu'il y ait beaucoup d'attentes autour de lui. Il y en a également dans le vestiaire. Paul a tout d'un grand joueur, mais on lui demande toujours de confirmer. Paul Pogba reste d'ailleurs le joueur le plus utilisé par Didier Deschamps ces derniers temps. Le seul à avoir participé aux 16 derniers matchs. Amsterdam, Sébastien Hazard, France Info. Il est 9h07, l'heure des audiences télé avec Céline Aslow. Céline, le verdict des chiffres. TF1 très largement leader de la soirée. 6 600 000 téléspectateurs devant le film Super Condriac signé Danny Boone. TF1 qui fait deux fois plus que France 2 avec son film Avid Mistral avec Jean Reno. M6 s'en sort très bien avec sa nouvelle émission. Une ambition intime avec Karine Le Marchand qui confesse les politiques suivies par 3 100 000 téléspectateurs. France 3 est juste derrière les enquêtes de Murdoch autour du 3 millions de téléspectateurs, un petit peu en baisse par rapport à d'habitude. Et puis excellent score à noter pour Arte, 1 800 000 téléspectateurs pour le film Dans la brume électrique signé Bertrand Tavernier. Céline Asselot, on vous retrouve dans quelques minutes sur France Info. Et nous recevrons à 9h20 Gérard Miller. Merci Jean-Christophe Martin. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Il est 11h08 sur la première. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Cet après-midi, le soleil va encore demeurer bien présent dans les cirques, les plus hauts sommets, également sur le littoral. Des nuages présents dans les hauteurs vont s'étaler en fin d'après-midi, notamment sur le littoral de l'ouest, le littoral du nord-ouest aussi, mais sans grande conséquence sur l'impression de beau temps. Le vent s'oriente au secteur est avec des rafales voisines de 50 km/h. À Sainte-Marie, le vent s'oriente au nord-est du côté de la Possession et de la pointe des Galets, avoisinant les 50 à 60 km/h en rafale cet après-midi. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est une bien belle journée de vacances pour tous ceux qui sont bien sûr en vacances. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Sinon, il y a la taxe foncière. Eh oui, c'est moins drôle que les vacances, mais enfin, faut la payer. Faut également, eh bien, tout comprendre de cette taxe. Ça tombe bien pour cela sur le plateau de la première dans les experts. Nous avons avec nous Raphaël Chen-Im-Chinjois et Stéphane Leloirne. Vous posez toutes vos questions au 99 2000 par SMS, au 70 2000. Dans un instant, nous accueillerons au standard Céline de Saint-Benoît. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il sera question avec vous eh bien, de cette taxe. Comment est-ce qu'elle est calculée? Est-ce que le montant a augmenté? Pourquoi? Comment l'expliquer? On parle aussi de la taxe d'ordures ménagères, 99 2000 par SMS 70 2000. Profitez des conseils gratuits de nos experts. Rendez-vous juste après Thias. Un petit Philippe dans la bouse, papa il traîne, il est sous Malais, Malais assis à tout. Pendant sa laïe à bref, des manes qui rôdent et manèrent palais, lui préfèrent son boulot. Épousade, c'est pas une prière, va rallier la lumière. sens humain nous fait le coq, nous donne coup de poing la douleur, il fait vivre à main. Travailler pour un bon salaire, sinon ça, mieux pour être sommé en ma mère, ou qu'on est moins fier. Et pour moi, c'est pas une prière, par allume la lumière. La tête à vivre, toute mémoire, notre valeur, les temps, notre histoire, la sueur, c'est un début d'espoir. Mais avec toutes nos prières, il faut nous marcher en frère. Sioudi, Thias, sur la première. 10h midi, les experts, avec Isabelle Waraud sur Réunion Première. Aujourd'hui, nos experts qui vous aident à tout comprendre de cette taxe foncière 02 62 99 2000. On va aller à Saint-Benoît où Céline voudrait savoir si elle pourrait être exonérée. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Écoute à vous Céline. Ben voilà, ça fait 16 ans que mon mari et moi avons eu une maison en héritage. D'accord. Mais c'est normal qu'on paye les taxes foncières, mais moi je voulais savoir... Plutôt, comme on n'habite pas à la maison, est-ce que je peux être exonérée des taxes d'ordures ménagères? Mais la maison, elle est vide? La poubelle. Céline, Ananmoun dans la maison, même si vous n'habitez pas dedans? Non, la poppiassonne, parce que c'est une maison qu'on a eu en héritage. Bon. D'accord, les taquets, la poppiassonne dedans? La poppiassonne. La poppiassonne. Alors, Raphaël. Malheureusement, non, les ordures ménagères sont dues, même si le logement il est vide. C'est prévu, c'était prévu comme ça. Ah bon? Oui. Ben oui. Oui, parce que quand même, ça fait 16 ans qu'on paye les taxes d'ordures, là, mais comme il n'y a pas de poubelle, je voulais savoir, tout simplement. D'accord, mais oui, malheureusement, je peux pas vous dire plus qu'il en est, mais c'est comme ça, on doit payer. Ça, voilà, donc la taxe d'ordure ménagère, c'est si même dedans la pointe, il paye. Oui. Si le logement est fermé, tout le monde s'est dû, c'est tout. Le principe, c'est que c'est une taxe, comme je vous l'ai dit, c'est la différence entre la taxe et la redevance. C'est pas lié à un service rendu, c'est une taxe. D'accord. Oui, oui. Bon, où les taxer, Céline? Voilà. C'est pas grave. Oui, mais au moins maintenant, on connaît, on est sûr. Mais bon, d'accord. Merci d'accord, Céline. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, avant de retrouver Jocelyn de la Saline au standard, beaucoup de questions concernant les logements qui sont vides, qui ne sont pas habités et qui pourtant, ils sortent une taxe. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Raphaël, pour être clair, quel est le principe? Alors, c'est une taxe d'habitation sur les logements vacants. Les taxes d'habitation sur les logements vacants, donc elles sont établies dès lors que le logement est vacant depuis au moins 2 ans. D'accord, c'est-à-dire un logement qui n'a pas personne dedans depuis 2 mois, ça, il faut payer même. Alors, tout dépend, parce que la taxe d'habitation, elle est calculée en fait en fonction de l'occupant au 1er janvier de l'année. Ouais. Donc, si au 1er janvier de l'année, il n'y avait personne, donc il n'y aura pas de taxe d'habitation qui va être établie. D'accord. Par contre, effectivement, si une personne est restée, on va dire, 3 mois dans le logement, mais que ça couvre le 1er janvier, il y aura la taxe pour cette personne. Après, dans l'année, s'il y a une vacance de quelques mois, donc ça, nous, on ne regarde pas, puisque le principe, c'est que le logement est taxé en fonction de l'occupant du 1er janvier de l'année. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Jocelyn de la Saline est avec nous pour une question sur la taxe d'habitation. Quoi l'arrivée, Jocelyn? Oui, moi, c'est concernant pour les étudiants. Est-ce qu'un étudiant doit payer la taxe d'habitation? Ou alors, est-ce qu'il est exonéré étudiant. Du fait qu'il est étudiant ou pas? Raphaël. Alors, non, il n'y a pas d'exonération pour les étudiants. Effectivement, en fait, on va prendre en compte l'occupation. Donc, effectivement, si l'étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents, on pourra par contre prendre le revenu fiscal des parents pour calculer s'il a droit à un plafonnement de la taxe ou pas. Donc, ça, c'est possible. Après, tout dépend de la nature du logement. Parce qu'il y a des logements qui sont loués par des organismes du genre Crous. D'accord. Effectivement, là, ce genre d'organisme peut être exonéré au niveau de la gestion du parc locatif. Et si c'est un logement privé? Si c'est un logement privé, malheureusement, si l'étudiant fait sa propre déclaration, donc ses revenus seront pris en compte. S'il ne fait pas sa propre déclaration et qu'il est rattaché au foyer fiscal des parents, donc là, il faudra faire, c'est sur demande. Il faudra que l'étudiant demande avec une copie de l'avis d'imposition des parents pour qu'on prenne en compte les revenus pour calculer le plafonnement de la taxe. Ok, donc s'il est détaché, normalement, il doit être exonéré, là. Non, s'il n'est pas rattaché, il doit faire sa propre déclaration. Voilà. Et là, tant qu'étudiant, si je comprends bien, il n'aura pas à payer de taxe d'habitation. Non. Ça n'a pas l'air clair, Jocelyn. Alors on va reprendre. Alors, taxe d'habitation, c'est calculé en fonction de l'occupant. L'occupant, c'est l'étudiant. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ensuite, c'est pour voir si on calcule un plafonnement de la taxe. Et le plafonnement de la taxe, il peut être total ou partiel. Voilà. Ça va être en fonction en fait, des revenus qui vont être pris en compte. Oui. Jocelyn Houtman-Maï, que l'étudiant, là, il est rattaché à autre foyer fiscal ou bien il a son propre déclaration? Il était rattaché et là, actuellement, il est détaché maintenant. Ah là, il est détaché maintenant, son étudiant. Là, si on parle de la taxe de 2016, faut que sur les revenus de 2015, il n'était pas rattaché, il a fait sa propre déclaration. 2015, ouais. Donc effectivement, s'il a fait sa propre déclaration, normalement, on a pris en compte ses revenus pour calculer le plafonnement. D'accord. Donc s'il a reçu une taxe, c'est qu'il n'y a pas eu un plafonnement total, il y a eu un plafonnement partiel, et on lui réclame simplement ce qui est dû en fonction de la prise en compte de ses revenus. Okay. D'accord, Jocelyn. Mais on profite tout de suite. Ah ben profite. J'ai une question sur la taxe foncière. Oui. Bon, par exemple, si on réduit la surface d'une habitation, de la maison, est-ce que la taxe foncière, elle est amenée à diminuer aussi? Oui. Si on supprime une partie de la maison, par exemple. Si vous démolissez une partie de votre maison, il faut déclarer cette démolition et on va prendre en compte la nouvelle évaluation en fonction de la surface restante. Ok. Et ça, c'est au niveau des... Il faut vous rapprocher de nos services. Vous avez l'adresse mail qui se trouve sur votre impôt, sur votre avis de taxe foncière. Donc, vous pouvez déjà commencer par vous renseigner auprès de nos services en envoyant un mail directement au CEDIF qui gère votre dossier. D'accord. Les bons, Jocelyn? Oui. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, Jocelyn. On continue avec vos appels 99-2000 dans quelques instants. Ne bougez pas. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit aide à ouvrir votre boîte. Plus d'infos au 0969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, Nena l'avenir. Ensemble, nous parlons de la taxe foncière avec les experts des finances publiques, Raphaël Chan-Im Chien-Joie et Stéphane Leloirne. Vos questions au 99-2000 avec nous pour une question. Il y a Prosper du Tampon. Bonjour Prosper. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Quoi l'arrivée? Oui, une question pour ces messieurs. Je souhaiterais savoir... j'ai une terrasse qui a été déclarée et un abri de voiture qui a été déclaré, bien sûr, avec la construction de ma maison. Mais ces deux-là, ils sont ouverts de part et d'autre. Et si un jour je déciderais de fermer l'une de ces parties, est-ce que il y a une taxe supplémentaire qui me sera demandée? Alors, Plus globalement, si vous faites, si vous faites évoluer les surfaces annexes de votre maison, si vous fermez un abri de voiture et que c'est, ce soit un vrai garage fermé de toutes parts avec, avec un portail devant ou genre de choses, on va faire évoluer cette surface d'abri de voiture en garage. Mmh. Si vous avez une terrasse que vous fermez et qui devient une pièce habitable, ça va devenir une surface habitable. Donc en fait, on prend effectivement l'évolution des surfaces en fonction des travaux que vous faites. Et toutes ces évolutions-là, elles doivent être déclarées. Déclarées et même si c'est fermé, alors d'accord, ok. Voilà. Et concernant la cabane au fond du jardin. Ah, la fameuse. Ouais, la fameuse cabane au fond du jardin que tout le monde redoutait pour. Est-ce que là-dessus, il y a une taxe là-dessus? Ça va dépendre de la cabane. Il y a cabane et cabane. Hein. Mm-hmm. La cabane fait 50 mètres carrés, c'est plus vraiment une cabane. Nous, on quoi. Connaît des cabanes, des fois, qui sont des pièces à vivre. Ouais. Et puis, Il y a une salle de bain dedans. Voilà. Mm-hmm. Exactement. Ah, et puis, des fois, c'est la cabane où jouent les enfants. Et bon, là, on va peut-être un petit peu être plus conciliant. Non. Voilà. Non, c'est une cabane de rangement à outils, on va dire, qui fait à peine 1,50 m de long et par 2 mètres, quoi, grosso modo, quoi. Prosper qui veut vraiment tout faire bien comme il faut. Voilà. Hein, il veut pas avoir d'ennuis, si Prosper. Si on en est là, je pense que ça va aller. Oui. Oui. Je pense que vous ne serez pas le premier de nos soucis. Vous inquiétez pas, Prosper. Les bons. Allez, merci beaucoup. Oui, allez-y. Concernant un kiosque de jardin, par exemple. Alors, le principe, pour redevenir sérieux, le principe, c'est que toute construction qui est là à perpétuelle demeure doit être déclarée. Donc à partir du moment où vous faites des constructions sur votre terrain qui sont là pour durer, vous devez le déclarer. Le kiosque, bien sûr, les piscines, surtout. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les kiosques qui nous posent problème, ce sont les piscines. Donc parlez de piscine, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Vous parlez de piscine. Est-ce que piscine extérieure au terrain, c'est-à-dire non enfouie, est-ce que c'est une taxe supplémentaire? Le principe, c'est pas le fait qu'elle soit enfouie ou pas enfouie, le principe, c'est le fait qu'elle soit fixe ou pas. C'est-à-dire qu'elle est là pour rester ou pas. Si vous construisez, si vous dotez d'une piscine à boudin que vous laissez là pendant 2 mois et que vous rentrez dans le garage, on va pas vous la taxer. D'accord. Si vous, par contre, vous prenez une piscine qui a tout l'équipement et qui est en gros indéplaçable tant que vous l'utilisez. Parce qu'elle est fixée au terrain, quoi. Elle est là. D'une façon ou d'une autre, qu'elle soit complètement dans le sol, à moitié dans le sol ou sur le sol, elle est taxable. Elle est taxable. Voilà. Elle est taxable. D'accord. Okay. OK. Merci, Prosper. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Bye bye. On quitte le tampon. On va aller à Saint-Joseph. Daniel est avec nous pour une question. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Je voulais poser une question. Là, je reçois un terrain avec mes parents concernant un terrain constructible. D'accord. Je voulais savoir si ça rentre en compte. Ça peut être taxé. Où vient de gagner le terrain, Daniel? Où vient d'hériter? Le terrain, il n'y a rien. D'accord, mais où vient d'hériter là, n'a pas longtemps? Non, il y a quelques années. Il y a quelques années. Et on ne reçoit pas aucune taxe là-dessus pour ce terrain-là? Non. Non. C'est peut-être les parents qui payent, non? Ben, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Alors déjà, la première chose, c'est... Voilà, et puis une autre question, je voulais savoir aussi si... Oui, Daniel. Les coins avec piscine, si c'est pris en compte aussi pour les temps. Ça même, moi, je peux vous répondre, oui. Alors, Daniel, on va d'abord, Stéphane, s'intéresser à ce terrain. Donc, il a reçu un terrain, mais apparemment, il ne reçoit aucune taxe dessus. Est-ce que ça veut dire que tout va bien, il ne paye pas ou il y a un petit problème au niveau de... Je ne peux pas dire s'il y a un problème ou pas. Hein. On ne peut pas rentrer dans le détail de son dossier, mais de façon générale, on peut très bien avoir un terrain nu et ne pas avoir de taxe foncière dessus directement parce que, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, et notamment sur La Réunion, on a une valorisation des terrains dès lors que les parcelles sont petites qui sont peu taxées en fait. D'accord. Voilà. Et en dessous d'un seuil de taxation, on peut en gros être exonéré de son paiement. Mmh. C'est très faible, mais ça peut arriver. Ce qu'il faut que monsieur fasse, en fait, c'est se rapprocher de son service. du service qui gère son terrain. Donc, oui. S'il est dans le sud, c'est à Saint-Pierre. Mm-hmm. S'il est dans le nord, c'est notre service à Saint-Denis. Et voir si, simplement, le terrain lui a bien été attribué. D'accord. Voilà. Et puis, voir comment il était valorisé. Si c'est une terre agricole, il va être exonéré. En plus, s'il est valorisé comme une terre agricole, il va être exonéré de telle façon que, effectivement, ça ne génère pas de taxes. D'accord. D'accord. Merci, Daniel. Merci. Allez, à très bientôt, bye bye. Beaucoup de questions également par SMS. L'une qui revient souvent, c'est ça y est, hein, je dois payer ma taxe foncière. Y a-t-il des manières de s'arranger pour le paiement? Certains font face à des montants, les paquets inattendus, mais les toujours un peu importants, et des fois, porte-monnaie est un petit peu vide. Alors, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Comment on peut trouver un terrain d'entente pour pouvoir payer sans se retrouver sec à la fin. Raphaël. D'accord. Au niveau du paiement, effectivement, vous avez plusieurs modalités de paiement. Donc, effectivement, là, je vais commencer déjà par le général, c'est-à-dire quand vous payez en l'intégralité, effectivement, vous avez plusieurs modalités. Vous pouvez le faire en ligne, parce que maintenant, on a des services en ligne qui sont ouverts sur votre compte fiscal. Vous pouvez le faire même hors compte fiscal en ligne, c'est-à-dire il vous faut simplement le numéro de facture et la référence de l'avis. Et donc, ça, ce sont des ordres de prélèvement que vous donnez pour régler votre taxe foncière. C'est toujours prélevé 10 jours après la date limite de paiement. Ensuite, maintenant, pour les délais de paiement. Donc, effectivement, c'est sous la responsabilité du comptable. Le comptable peut accorder des délais de paiement. Mais il faut savoir que toutes les sommes qui ne sont pas réglées à la date limite de paiement donc sont majorées de 10%. Mmh. Donc, c'est-à-dire que si vous avez payé une partie avant, donc elle ne sera pas majorée, mais tout ce qui n'a pas été réglé sera majoré à la date limite de paiement. Donc après, effectivement, donc là, nous, ce qu'on vous conseille plutôt pour les années qui suivent, c'est de vous mensualiser. Ça vous permet de lisser la taxe sur 10 mois. Et au niveau de votre budget, c'est peut-être avoir en fonction du budget de chacun. Mais effectivement, oui, vous avez ces possibilités de paiement. Donc vous pouvez faire la demande sur votre compte fiscal, comme je vous ai dit, par mail, par courrier. Effectivement, si vous pouvez privilégier tout ce qui est service en ligne, effectivement, c'est beaucoup plus rapide que du courrier postal. Est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens d'une manière générale, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est de ne pas rester avec son avis d'un coin, on fait comme si on ne voit pas, en espérant qu'on va oublier, mais en fait non. Hein. Il faut aller signifier au service, je dois payer, j'ai des difficultés. Ensemble, il y a toujours moyen de trouver une solution. Voilà, on trouvera toujours une solution pour vous aider au niveau du paiement. Ouais. Mais effectivement, de faire l'autruche, ça va vous desservir plus qu'autre chose, puisque c'est à ce moment-là, quand vous faites l'autruche, nous, on ne voit pas d'évolution, on va entamer les poursuites dessus. Donc. Stéphane ? Si vous oubliez, nous, on ne va pas oublier. Oh bah merci. Elle est sympa, celle-là. Oui, il faut pas oublier. Il faut essayer de trouver. Je vous avais tous les renseignements sur impots.gouv.fr. Hein, donc, faut pas hésiter non plus. Si vous avez des doutes et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir quelqu'un en face de vous, d'aller sur votre compte fiscal. C'est quand même un site aujourd'hui très complet qui vous permet d'avoir des renseignements d'ordre général et aussi de voir votre situation fiscale sur votre compte fiscal. Mmh. Donc, avant éventuellement de vous déplacer dans un service, essayez de glaner un maximum d'informations sur ce site. On a également reçu beaucoup de questions par SMS au 70-2000 de personnes. Je vous prends comme ça deux exemples, mais qui reflètent beaucoup de SMS qu'on a reçus, notamment celui-ci de quelqu'un qui nous dit « Je ne comprends pas l'augmentation de ma taxe foncière, près de 30% de plus par rapport à l'année dernière. À quoi cela peut être dû ?» On a ce SMS et puis quelqu'un d'autre qui n'hésite pas à carrément nous donner ses montants. L'année dernière, je suis propriétaire depuis 2006. Je payais ma taxe foncière 1 200 €. Cette fois-ci, elle est à 3 840 €. Comment expliquer ces augmentations? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces deux personnes? Il y a forcément derrière une nouvelle évaluation des biens. C'est-à-dire, soit ils ont acheté de nouveaux biens, et donc forcément ça augmente parce qu'ils ont plus de propriétés qu'avant, on va dire. Soit ils avaient des biens, ils ont fait des constructions nouvelles, et ces constructions nouvelles ont été prises en compte d'une façon ou d'une autre. Soit ils ont fait la déclaration, soit ils ont omis de faire une déclaration, ils ont été sollicités par le service,

Déterminé, on part au front sans armure. Et les plus terre à terre disent qu'on fonce dans un mur. Les darons savent pas ce que je fais, ils disent que je dors. Ils pensent que leur fils ne vit que d'or. Sans savoir que ce petit con prépare des disques d'or. Et que tous ceux qu'il néglige, ben en plus que tort. J'ai où je vais sans savoir si je serai le bienvenu. Je suis pas invité, je suis accompagné d'ovnis. Je me dirige vers la gloire et les blêmes pro. La musique est une femme à problème, mais putain je l'aime trop. J'ai pété les plans sans abandonner ni baiser les bras. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction. Ma direction. Section d'assaut, ma direction sur la première. La taxe foncière est à présent avec nous, Raphaël Chanim Chinjois et Stéphane Leloir. On va faire un petit récapitulatif des grands moments, ce qu'il faut bien retenir de cette émission. On va revenir d'abord, si vous le permettez, sur la taxe d'ordures ménagères. On a eu tout à l'heure la question d'Ophélie, son propriétaire lui avait mis sous le nez. Bon bah voilà, ça c'est la taxe d'ordures ménagères, elle est pour vous payer là. Une petite précision par rapport à ça, il faut être vigilant et ne pas se faire avoir. Racontez-nous tout, pour qu'on soit bien précis. Bon, la taxe foncière, elle est présentée par adresse, c'est-à-dire que les biens qui sont présentés sur le détail de calcul de la taxe foncière, c'est par adresse. Mmh. Derrière une adresse, vous pouvez avoir plusieurs locaux. D'accord, donc c'est-à-dire plusieurs logements. Plusieurs aussi. Logements, mmh. Voilà, plusieurs logements ou plusieurs commerces, enfin bref, plusieurs D'accord. locaux. Et donc, si vous trouvez que cette taxe d'ordures ménagères est particulièrement importante et que ça ne semble pas correspondre à votre logement, et vous, il faut demander au propriétaire, dans ce cas-là, de préciser les éléments taxés en demandant un relevé de propriété. D'accord, voilà. Le relevé de propriété. Voilà. Et ça, là, c'est par important. Contre, vous aurez une ligne par logement. Ah, et ça pourrait peut-être éviter que certains locataires se retrouvent à payer. Ça évite toute confusion. Pour tout le monde. D'accord, donc ça au moins. Donc le relevé de propriété, c'est important voilà. Donc, pour les propriétaires. On est en droit de le demander. Enfin, pour les locataires, on est en droit de le demander aux propriétaires. C'est pas. À partir du moment où on vous demande de payer, le propriétaire doit être en capacité de justifier le paiement. Donc, effectivement, il n'y a pas de problème. La plupart des propriétaires sont de bonne foi. D'accord. Simplement, on a le droit de savoir précisément ce qu'on paye. Donc, un relevé de propriété, ça évite toute ambiguïté. Alors, concernant les dates limites de paiement pour cette taxe foncière, Raphaël ou Stéphane ? Raphaël ? Alors, la taxe foncière est prévue au 17 octobre. Mmh. Donc pour le paiement, voilà, en part-type, etc. Par contre, tout ce qui est paiement en ligne, vous avez un délai supplémentaire. Donc vous avez un délai de 5 jours supplémentaires, en sachant que donc l'ordre de paiement sera effectué 10 jours après la date limite de paiement. Donc d'accord. Si vous laissez une petite marge pour... vous trouvez la monnaie. Voilà. Voilà, je dis ça comme ça. Hein. On peut demander également, si on est un peu coincé, la situation est un peu difficile, est-ce qu'on peut demander avoir un délai supplémentaire pour faire face à ces taxes, Raphaël ? Oui, effectivement, vous pouvez demander le délai. Donc, c'est toujours le comptable qui accorde ou pas ce délai, mais il y a des conditions précises à remplir. Il faut qu'effectivement, vous soyez dans des situations de difficultés financières avérées. Mm-hmm. Donc, ce qui peut arriver, hein, on est toujours arriver, sujet voilà. à un coup de con là, qui n'était pas prévu. Effectivement. Donc, après, ce sera de toute façon examiné par le service du recouvrement, donc oui. Qui sera amené à vous dire oui ou à vous dire non sur le délai. Mm-hmm. Mais voilà, il faut bien pour avoir tout en tête, faut bien savoir que le délai de paiement donc n'interrompt pas la date limite de paiement, donc ouais. Du coup toutes les sommes payées après seront majorées et toujours pareil, donc majoration à voir avec le service du recouvrement pour la remise ou pas. Voilà, dire également que sur le service internet, on peut trouver tous les renseignements. Si on a une petite chose qu'on n'a pas compris bien, c'est pas bien clair, on se pose des questions. Il y a aussi l'interface internet, il faut s'en servir, c'est voilà, important. Non seulement sur impots.gouv.fr, on peut avoir toutes les réponses voulues, mais on peut aussi gérer pour tout ou partie son dossier fiscal. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est important donc, également. C'est important de savoir. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous reviendrez une prochaine fois. On s'intéressera cette fois-ci plus particulièrement à la taxe d'habitation. Merci beaucoup. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, babe. nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense that's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanna know. But never mind that, we should let it go. We let it go. Cause we don't wanna be a TV episode. TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Go, go, go, go. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, no, no, no. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be waiting. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, nothing, nothing, nothing on you, babe. Nothing, nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing, nothing on you, babe. Nothing, nothing on you. They might say hi. And I might say hey. Hello. But you shouldn't worry about what they say. Wow. Cause they got nothing on you, nothing, baby. Nothing on you, babe. Nothing on you. B.O.B. sur La Première et Bruno Mars. Demain, dans Les Experts de 10h15, eh bien, nous serons avec nos experts de l'automobile. Eh oui, Alain Aznar, qui est directeur qualité des centres de contrôle technique, accompagné de Patrice Fontaine, qui est expert d'assuré. Vous qui voulez acheter un véhicule d'occasion, par exemple, eh bien, il faudra faire attention si vous avez des questions concernant, eh bien, les pièges à éviter en achetant un véhicule avec un particulier, si vous avez un souci mécanique, vous voulez en savoir plus sur les vis cachées ou encore la garantie constructeur, un seul numéro de téléphone à composer. Ce sera le 02 62 99 2000 par SMS, le 06 92 70 2000. Et n'oubliez pas le service, le site internet, le Facebook des experts. Vous pouvez retrouver, eh bien, toutes les informations importantes qui sont relatives aux différentes émissions. Donc aujourd'hui, par exemple, celle consacrée à la taxe foncière. On revient dans un instant, le temps pour nous d'apprécier ce titre de Didier Kergrin, Tipé Tipé, sur La Première. Regarde bien la vie comme elle a, ouais. Regarde comment il pète partout. Qu'il soit ici, qu'il soit pas là-bas, t'es. Comment de monde la pouni fou, oh mon frère. Agarde tout pays comme il ça va après, passer. C'est la viga. Et elle n'aura petit bonbon sans sa frère. Comment la vie est comme elle a. Ouais, ouais. Maintenant, on va arriver à nous. On and on. We keep on going on. We're looking for such a better life. Looking for the better all the time. On and on. But what is really going on? What's the world we're living in this time? Till the day we're looking for a better life. Oh, on and on. On and on. Mai come là, racconto come le cose cure. Ti becco poi come la nanna te, a volte papà di tu, oh mon frère. Bella chi cote non sava come a quel non copo arriva nu. Quel tradizion come là, le tutte che la donna nu. Generazione di me arriva la te. Oui, que nos copoutiers sommes nous, oh mon frère. La réunion lève, tiens-moi qui salote et tout ça, tiens-moi quoi que nos copoutiers arrivent à nous. On and on, we keep on going on. We're looking for such a better life. Looking for the better all the time. On and on, what is really going on? What's the world we're living in this time? Hey, yo. Till the day we're looking for a better life. Hey, avis au peuple, on ne parle plus, on se cache. On se détache, on stack, on se fâche. Et parler d'amour fait tâche, man. Les messages de peine intéressent personne. On oublie les paroles. À croire qu'on se plaît en face à face avec le vide. T'es rien, je rêve d'ensemble et vis au quotidien. Mon idéal, texte de mon courage en couleur face au carnage. Vaste comme un continent qui nous abrite tous. Simple comme un compliment qui nous concerne tous. Mais là, quel côté nous ça va. Hey yo, hey. Et quoi que l'encore pour arriver à nous. Soit ici, qu'il soit pas là-bas. Des quick n'en comptent sans nous. Oh mon frère. Ouais, ouais. Salut, t'es rendu où, mon frère. Tiens-moi qui salut, t'es ça. Tiens-moi quick n'en comptent pas. On and on. We keep on going on. Looking for such a better life. Looking for the better of the time. On and on, but what is really going on? What's the world we're living in this time? Till the day we're looking for a better life. On and on, keep on going on. Looking for such a better life. Looking for the better of the time. On and on, but what is really going on? Ça me lit prend pas rendez-vous pour casser les faits. déjà tué. Maman, ça crie, pompier, pompier, ça crie, la police, qu'un petit s'est zappé. L'hiver à ou en l'institutrice. Ok, mi arrête, ravasé. Mon reste tranquille ou l'a trouvé. Et il sent la la la la la yeah. La la la la la yeah. La digadam, digadam. Manière t'avais mieux demain, apprendre bien la leçon. Laisse aller squatter, même si lui n'a point l'invitation. En galgue, il en racine carrée, lui sa balade de l'olé. Si elle s'habitait par rire, ça même toqué, il bat sous la mer. Teen Poppy sur la première, il est 11h52. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Prudent Christiane. Madame Prudent Christiane, le décès survenu samedi à l'âge de 102 ans. La veillée a lieu au Centre Funéraire du Sud. Une cérémonie aura lieu aujourd'hui à 16h30 dans la chapelle du Centre Funéraire du Sud, suivie de la crémation. Décès de Monsieur Colette, Yves, Joseph, Camille. Monsieur Colette, Yves, Joseph, Camille, dit Fangeant. Le décès survenu hier à l'âge de 77 ans. Une veillée se tient au centre funéraire de Prima. Une cérémonie d'adieu aura lieu cet après-midi à 15h30, suivie de la crémation. Décès de Monsieur Picard, Antoine, Maurice. Monsieur Picard, Antoine, Maurice, le décès est survenu hier à l'âge de 88 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 36 rue de la Cayenne à Saint-Joseph à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église du Butor à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Joseph. Décès de Madame Turpin, née Poudroux, Marie Théophita. Madame Turpin, née Poudroux, Marie Théophita. Décès survenu hier à l'âge de 84 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 4 rue Racine à Bras-de-Ponteau au Tampon. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h en l'église de Sillaos, suivie de l'inhumation cimetière de Sillaos. Décès de Madame Florence, née Songoro, Marie-Céline. Madame Florence, née Songoro, Marie-Céline, le décès survenu hier à l'âge de 65 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 6 allée des Orangers à la rivière Saint-Louis à 15h. La bénédiction aura lieu à 15h30 en l'église Notre-Dame du Rosaire à la rivière Saint-Louis, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Taoshi Nadia. Madame Taoshi Nadia, le décès est survenu hier à l'âge de 38 ans. La veillée se tient au domicile 62 SHLMR cité Méroc-Rochemaigre à Saint-Louis. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Euphrosine Marie Clémentia. Madame Euphrosine Marie Clémentia, décès survenu hier à l'âge de 100 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui de la chapelle ardente de l'hôpital Gabriel Martin de Saint-Paul à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église de Boisneuf-Saint-Paul à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Bad Ferdinand Auguste. Monsieur Bad Ferdinand Auguste, dit Tigus. Le décès survenu hier à l'âge de 78 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima à 13h30. La bénédiction aura lieu au centre funéraire à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de Madame Moirot, Marie Huguette. Madame Moirot, Marie Huguette. Le décès est survenu samedi à l'âge de 71 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 11 rue Café à Vincent Dau à Saint-Joseph à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Vincent Dau à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. décès de Madame Ramjane, née de Fondomière, Gillette Jeanne. Madame Ramjane, née de Fondomière, Gillette Jeanne, le décès survenu hier à l'âge de 80 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 1, chemin La Paix, à la rivière des Roches à Saint-Benoît. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Hannequin Mathilde. Madame Hannequin Mathilde, le décès survenu hier à l'âge de 96 ans. La veillée a lieu au centre funéraire de Prima. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire demain. La bénédiction aura lieu à la chapelle du centre funéraire demain à 10h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Hubert Jules Joseph. Monsieur Hubert Jules Joseph, le décès survenu hier à l'âge de 86 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 15 allée des Jamblons, domaine des Chandelles, à la Cressonnière à Saint-André. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Quelques informations pratiques. Sudéo informe ses abonnés de la commune de Saint-Joseph que suite au lavage et désinfection du réservoir Casala, eh bien des perturbations, voire des coupures, peuvent se faire sentir mercredi sur les secteurs suivants. Les bas de Jean Petit, kilomètre 5, et le centre-ville. La remise en eau se fera des achèvements des travaux et lavage et désinfection. Également, cette information sur la commune de Saint-Joseph émanant de Sudéo, qui signale que suite au lavage du réservoir, cette fois-ci de Grand Coude 4 et de la bâche de Grand Galet, eh bien la distribution en eau sera interrompue demain, mardi, sur les secteurs suivants. Route de Grand Coude, partie comprise entre le kilomètre 10 et le kilomètre 12, le chemin Cap Blanc, le village de Grand Galet, la remise en eau, eh bien, dès l'achèvement des travaux. Et puis la CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Sainte-Marie que suite à des travaux, eh bien, la distribution en eau sera perturbée, voire interrompue, demain à partir de 7h30 sur les secteurs suivants. Partie basse de la Grande Montée, lotissement de Bussy, la rue Numa-Nierlo, impasse Flox, la rue Tangavel-Minachi, la rue Louis-Stéphane, l'impasse des Mascareignes, l'impasse des Manguiers, la rue des Pourpiers, l'impasse du Stade des Bassins, la partie basse de la rue de la Grande Montée, le lotissement des Palmiers et le secteur Carreau-Coton, remise en eau dès achèvement des travaux. Première. Bonjour Ingrid. Bonjour Isabelle. Comment il est, ça va bien? Même, il fait bizarre, waouh, t'es à la sixième. Vous avez fait grâce mat? Sois heureuse. Ah, moi les heureuses. Les heureuses, on doit s'appeler. Bah oui, bon, Mila Sazote avec Ingrid, rendez-vous dès demain pour un nouveau rendez-vous des experts. On n'a pas de problème avec la taxe foncière? Non, mais pas, non, mais ils foncent pas rien. Ils foncent pas rien. S'ils des fois parce qu'ils m'ont pas clé. Eh bah alors, tu vois, tu fonces. Merci Ingrid. À demain Isabelle. Allez, bisous. C'était James Brown sur Réunion Première, Living in America. Bon appétit si vous êtes à table, il est midi. Et le journal de la mi-journée vous est présenté par Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, mouvement de gronde au CHU de Saint-Denis, mais aussi à Saint-Pierre. Des agents hospitaliers manifestent contre le manque d'effectifs chroniques et dénoncent des promesses non tenues. Un rendez-vous est prévu cet après-midi avec l'Agence régionale de santé. Le point sur la situation dès le début de ce journal. Nous irons à Mayotte, où les pompiers n'ont pas chômé ce week-end avec plus d'une dizaine de feux tout autour de l'île, au Tampon, où une fois de plus, les orchidées tiennent le devant de la scène des florilèges. Et puis à la fin de cette édition, retour sur le derby Saint-Pierrois en demi-finale de la Coupe régionale de football hier avec la victoire de la JSSP sur Grand-Bois par 7 buts à 0. Bienvenue sur Réunion Première. Des barrages filtrants devant le CHU de Belle-Pierre ce matin. À Saint-Pierre, ça gronde également et pour cause, les agents hospitaliers sont en grève depuis ce week-end. Cause de leur mouvement, un manque de budget et des agents à la retraite ou en arrêt non remplacés. Ceux qui restent auraient donc une charge de travail beaucoup plus lourde. Les syndicats FO, CFTC, UNSA, CGTR et Sud, réunis en intersyndicale, dénoncent un manque d'accompagnement de l'État depuis la fusion des pôles du Nord et du Sud il y a 5 ans. Cet après-midi, ils ont rendez-vous avec l'Agence régionale de santé. David Belda du syndicat Force ouvrière nous explique leurs attentes. Nous, ce qu'on attend concrètement de cette rencontre avec l'ARS, c'est que déjà on puisse nous expliquer et surtout nous apporter la preuve d'un accompagnement ou non. En tout cas, nous, syndicats, lors de nos différentes instances, nous avons eu aucune réponse précise sur l'accompagnement que l'ARS a pu faire en fonction de notre projet social, parce qu'il ne faut pas oublier que la création du CHU de la Réunion a été faite avec un protocole d'accord.